beaucoup. Bonjour, bonsoir, 794. Voilà, tout simplement. Elles avancent au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mercredis, des dimanches, des lundis. Elles se déroulent sur un grand tapis musical. C'est bien sûr ces rendez-vous que nous nous donnons le mercredi, donc le dimanche et le lundi. Pour y passer, eh bien, comme toujours, un petit moment, je l'espère pour vous, agréable, parce qu'il l'est pour moi. Donc, voilà, on ne va pas trop parler. On va commencer tout de suite. Nous allons faire un tout petit tour en Alsace, parce que, j'allais presque dire, les roses y sont très souvent. Ailleurs aussi, hein. Mais là, il existe une chanson qui s'appelle « Ma rose d'Alsace ». Voilà, voilà, voilà. Je penserai toujours à ma rose d'Alsace. Je penserai toujours à ma rose d'amour. Elle a fleuri sur le chemin de ma jeunesse. Autant jolie où mon chemin croisait le sien. Loin des coteaux fleuris de ma rose d'Alsace, je pense au beau pays de ma rose jolie. Les heures passent, ô ma rose d'Alsace, mais rien ne change en moi depuis l'heure de joie qui sonnait au beffroi. Appartient la vie à ceux qui l'aiment, qui se font même des amis de leurs problèmes.

Est-ce que vous connaissez la polka des griottines? Allez, on va se faire une petite polka des griottines. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Eh oui, également sur le 102.5. Et c'est tous les jours, 24 heures sur 24, sans interruption. Que de la production locale. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. C'est ça, Sorgia FM, bien sûr. Alors, que peut-on, que peut-on attendre, par exemple, de ce groupe qui s'était formé il y a déjà quelques années? Elles sont repris du service, c'est les Parisiennes. Oui, les Parisiennes, elles nous en ont fait une. Ouh là là, j'arrive à me mélanger. Thank you. pour faire la fête. Il y a des violettes, toi qu'on en veut. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes. Les alouettes font des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Quand pour soi on a tous les atouts, on n'a pas le droit d'hésiter. Cueillons toutes les roses du chemin, pourquoi tout remettre à demain? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Les maisonnettes ouvrent les yeux et la radio chante un petit air à deux. Le ciel a mis son complet bleu et le rosier met sa rosette. C'est notre fête. Alors, Alors, nous y sommes et nous allons y rester, les surfs. Cela vous rappelle, bien sûr, vous savez, c'était tous ces frères, martiniquais, je crois. Oui, il me semble qu'ils étaient martiniquais, quelque chose comme ça. Et ils avaient chanté donc, à présent tu peux t'en aller, mais il y en avait d'autres. Par exemple, le printemps sur la colline. J'espère que tu reviennes prendre place là où nos cœurs vivaient naguère. Mes jours se traînent, mes nuits s'étirent et ma peine est profonde. Où sont nos rêves, où sont nos rires sans toi qui es au bout du monde. Tu es ma flamme, la force qui me guide. Reviens-moi vite, reviens mon âme. Sans toi, la maison semble vide. Écoute, écoute, le printemps sur ma colline. Printemps sur la colline, c'était du live à l'époque, oui déjà, bien évidemment, les surfs. C'est une petite dédicace qui s'adresse à Nicole, c'est à Éloise bien sûr, à Éloise. Avec un immense courage, Nicole a effectué un superbe travail. Et Jeannot, son voisin bien sûr, eh oui, bien sûr, Jeannot, son voisin, tout simplement, lui fait cette dédicace. Alors, ce n'est pas Jeannot qui a choisi le titre de la chanson, c'est une chanson qui était calée, et je me suis dit que finalement, pourquoi pas. De la part de Jeannot, pour Nicole, pour son courage et le beau travail effectué. Et les yeux dans les yeux, et la main

je suis né. C'est là où j'ai ma vie. C'est là où j'ai grandi. Le Nord est mon pays. C'est là que j'ai grandi. C'est là où j'ai ma vie. Les gens du Nord sont généreux. Avec eux, on se sent heureux. C'est la bière qui les fait chanter. C'est la fête qui les fait danser. Mais un soir, dans un petit bal, de Ducasse ou de carnaval, le sourire d'une fille jolie fera basculer une vie. Et un jour, fruit de leur union, peu importe fille ou garçon, naîtra le plus beau des bambins, à coup sûr le petit quinquin. Le Nord, je suis né, c'est là où j'ai ma vie, c'est là où j'ai grandi. Le Nord est mon pays. C'est là que j'ai grandi, c'est là où j'ai ma vie. C'est tout un monde de géants au beffroi qui défie le temps, où les clochers montrent du doigt des cieux plus beaux que l'au-delà. De la baignoire au vert bocage, jusqu'au bout des immenses plages. C'est mon heure qui se fait si beau, tout en couleur. Le Nord est mon pays. C'est là où j'ai ma vie. C'est là où j'ai grandi. Le Nord est mon pays. Eh oui, on a tous un pays quelque part qui nous attend, ou alors encore où on est né en fait, et qui, pour des raisons multiples parfois, la vie est ainsi faite, on y retourne, on a cette nostalgie de son pays de temps à autre. Après, voilà, il y a des pays d'accueil qui sont merveilleux, comme la France par exemple, et où on s'y sent bien. Mais c'est vrai que le pays, ça peut être une contrée, ça peut être un village, ça peut être quelque chose d'un peu particulier. C'est une petite dédicace, mais je ne dirai rien. Je ne dirai rien car la personne en question à qui cette dédicace est dédiée, en entendant la chanson, va le savoir. Je ne dis rien, parce que je ne voudrais pas augmenter sa pression sanguine. Elle a un petit problème aux jambes, tout simplement. Alors on va s'asseoir sous un arbre, sur un banc, dans une rue. Oh, chacun s'en va rempli d'espoir sur le chemin qu'il s'est choisi. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Oui, alors je vous rassure, hein, vieillir, c'est pas une maladie. Hein, c'est pas du tout une maladie, c'est normal. Voilà. On est et on meurt. Voilà, c'est comme ça que la vie se déroule. Alors, vieillir, il ne faut pas en avoir peur. Il faut simplement que dans sa tête, eh bien, les choses se passent correctement. Eh bien, pour cela, vous écoutez ceci. Quand on a 20 ans, on ne pense pas, on est insouciant. Vieillir, quand on a 30 ans, tous épatants, on prend la vie à plein dents. Vieillir, quand on a 40 ans, c'est papa, c'est maman, on élève nos enfants. On a 50 ans, c'est déjà la 8 ans, on n'y croit pas vraiment. C'est ça la vie, on n'a pas choisi, chacun son chemin, c'est la notre destin. C'est ça la vie, on n'a pas choisi, chacun son chemin, c'est là notre destin. Vieillir, 60 ans. On a encore de bons moments, mais c'est déjà moins souvent. Vieillir quand on a 70 ans, c'est papy, c'est mamie, on garde nos petits enfants. Vieillir quand on a 80 ans, et mémé maintenant, c'est nos derniers élans. Vieillir quand on a 90 ans, alors qu'on pense à nos 20 ans, souvenirs d'antan. C'est ça la vie, on n'a pas choisi, chacun son chemin, c'est là notre destin. C'est ça la vie, on n'a pas choisi, chacun son chemin, c'est là notre destin. Voilà, j'espère que vous avez tout bien écouté. Alors, pour terminer cette première partie de l'émission, eh bien, je n'ai pas trouvé mieux que cette belle chanson, Tu t'en vas, avec bien sûr Alain Barrière et Noël Cordier. Et c'est de la part d'Henriette pour Raymonde. Voilà, pour terminer cette première partie de l'émission, on continue tout de suite après. La la la la la.

Piaf, et puis bien sûr les compagnons de la chanson, bien évidemment, qui faisaient les chœurs. Joe Dassin va nous interpréter, avant de retrouver le quart d'heure italien, la vie se chante, la vie se pleure. C'est ce que je dis toujours. Elle se chante, mais en même temps, cette vie se pleure, parce que parfois, pas facile. Pas facile, facile, mais c'est la vie. On a entendu beaucoup de chansons sur la vie dans cette émission aujourd'hui. Eh bien, cela nous fait peut-être tout simplement réfléchir un tout petit peu, un tout petit peu. Thank you. 70 ans a rendu ses billes sans avoir rien compris. Un Indien près du lac Michigan, en costume civil, commande un whisky. Une ville est sortie de la terre, un volcan éteint vient de se réveiller. Quelque part, un marin solitaire s'est mis à chanter. La la la la la. Californie devient un océan. En Afrique, dans un pays neuf, un chanteur de rock devient président. Une fille est allée sur Vénus, un nouveau Lazare est ressuscité. Quelque part, un marin de plus s'est mis à chanter. La la la la la la la. Joe Dassin termine cette deuxième partie de l'émission avec « La vie se chante, la vie se meurt », tout simplement. Nous sommes bien sur le 91, sur le 102.5, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous ou de chez nous, et c'est le quart d'heure italien. Ho sentito giù due minuti fa, mentre eravamo al telefono, che problemi hai, parlamene dai, se no gli amici dimmi a cosa servono. Ti ricordi lei, non sta più con me, se n'è andata via come una nuvola, e la vita mia non ha più allegria, si è chiusa in una lacrima. Ma viva l'amicizia fra di noi, ti culla un po' ti vizia quando vuoi. Ma viva l'amicizia quando è come io e te. Ma viva l'amicizia fra di noi, perché un amico vero tu lo sai. sei sempre nel bisogno e non ti abbandona mai. Sono solo ormai, solo coi miei guai, e mi chiedo già domani che sarà. Vieni qui da me, ora solo te, tu sai guardarmi bene dentro l'anima. Dai, non buttarti giù, cara amica mia, dei tipi come lui ne trovi finché vuoi. Dai che usciamo un po' e ci rideremo su, e la tristezza non tornerà più. Ma viva l'amicizia fra di noi, ti culla un po' di vizia quando vuoi. Ma viva l'amicizia quando è come io e te. Perché un amico vero tu lo sai, c'è sempre nel bisogno e non ti abbandona mai. Ma viva l'amicizia tra di noi, perché un amico vero tu lo sai, c'è sempre nel bisogno e non ti abbandona mai. C'è sempre nel bisogno e non ti abbandona mai. Lacrime amare che mi bagnano gli occhi, mi sfiorano il viso, poi cadono giù. Sono lacrime seminate nel vento in un rigido inverno, mentre ti penso, piango per te. Lacrime, lacrime amare, hanno il freddo sapore di un sole che muore e non torna più. Sono lacrime come gocce nel mare, sono il frutto di un cuore che piange d'amore, d'amore per te. Giorno chissà, se Dio lo vorrà, potrò ritornare da te e cancellare queste pene d'amore. Ma adesso sono qui, da solo così, e passo i miei giorni a pregare, e nei miei occhi ci sono lacrime amare. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Una bella signora vestita di bianco, biondi capelli e quegli occhi d'azzurro dipinto. Quanta bellezza lassù, in quella chiesa che fu, lei che guardava e capiva, con mano indicava la strada del cuore. Madonna campagnola, dove tan chiusa, non vedo più il tuo volto in quella chiesa, nemmeno più la gente in ogni casa. Rimane solo il vento fra quelle mura. C'era in quel tempo almeno una campana, coi tocchi nell'aurora d'Ave Maria. Ora non c'è più niente, c'è vuoto spento. Ma che triste momento, quanto male nel cuore. Ora la bella signora non è più sul monte, tutto intorno è assente con rovi incrocianti. Quella signora dov'è? Vorrei saperlo perché. Forse ci guarda dal cielo col bianco suo velo, lei piange per noi. Madonna campagnola, dove tan chiusa, non vedo più il tuo volto in quella chiesa, nemmeno più la gente in ogni casa. Rimane solo il vento fra quelle mura. C'era in quel tempo almeno una campana, coi tocchi nell'aurora d'Ave Maria. Ora non c'è più niente, c'è vuoto spento. Ma che triste momento, quanto male nel cuore. Ma che triste momento, quanto male nel cuore. Petite dédicace pour Vanda de la part d'Henriette, Cuore Paesano. Quanto tempo è già passato, care foto un po' ingiallite, vi ho vissute, vi ho sentite. Qui la gente sorrideva, anche con poco, quasi niente, perché aveva un grande cuore e devota era all'amore. ritrae l'infanzia mia, mi trasmette il suo calore, quel sapore, l'allegria. Qui la terra aveva un nome e una lacrima un padrone, una storia, una leggenda, e la vita scorre lenta. Donc là, c'est moi qui fais une dédicace à l'ami Marcel, à l'amico Marcello, la mazurka del buon vino. Et tu prépares il lambrusco pour demain. Ma chi l'ha detto che del buon vino bisogna bere solo un bicchierino? Pranzo e cena senza strafare, non mi posso più ubriacare. Con mio fiaschetto dove ti metto, ti nascondo anche sotto il letto, io ti voglio sempre vicino, oh mio buon caro amico vino. Se burrone, bevo amarone, se son contento bevo cilento, sono stressato, bevo moscato, son birichino, un fragolino, mi sento bello, bevo brunello, sono sfinito, bevo un passito, ma se mi sento più cortese, prediligo un sangiovese, se son birbante, bevo spumante, se son pignolo, bevo parolo, mi sento sano, bevo trebbiano, son malandrino, un bardolino, se ho litigato con la ragazza, mi consolo con la vernazza, poi me ne vado da Gabriella, che mi offrirà un valpolicella. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Et oui, et le 102.5, les tarentelles, les chansons italiennes, le quart d'heure italien va se terminer tout simplement avec cette toute dernière que je vous propose. Mais alors celle-ci, je vous l'offre avec mon cœur, tout simplement. Va dove ti porta il cuore. C'est une begin. Occhi innocenti di donna che guardano il sole. Occhi innocenti di donna che guardano il mare. quando l'azzurro del cielo, l'incanto di un fiore, non guardano più me. Tremano quelle sue mani, sognando un domani all'amore per sé. Va dove il cuore ti porta, amore, va. Non ti fermare, non voltarti mai indietro. Va dove il dolce sogno ti chiamerà in quella immensità. Tu troverai l'amore. Va, il destino ti chiama, amore, va. Lungo il cammino intenso, pieno di speranza. Va dove il sole ardente ti scalderà, la luce apparirà nel piccolo tuo cuore. Tante sono le rose senza spine, profumeranno la tua anima e parleranno al tuo cuore di te. Alla frontiera dove troverai te la pace, sentirai quella sua voce che ti dice amore, io ti amo. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Voilà, c'est fini. Cette émission se termine. On se retrouve très très très bientôt sur le 91 et sur le 102.5. En attendant, je vous aime, je vous embrasse. Et vous les femmes, je vous embrasse. Partout, partout, partout, partout.